Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. Territoire à énergie positive et entreprise. Christophe Blaveau, gérant cofondateur d'Écologie Industrielle Conseil, EIC. Je voulais quand même donner quelques points clés qui nous paraissent importants de préserver, quels que soient les projets que l'on fasse pour les entreprises ou pour un territoire. C'est une démarche pionnière. Écologie, il faut le prendre dans le sens de écologie scientifique, c'est-à-dire observer les milieux naturels, les animaux et les plantes. Et industriel et territorial, il faut le prendre au sens des activités humaines, quelles qu'elles soient. Activités de production, activités de consommation, de transformation, de recyclage, etc. Et c'est pas l'écologie politique telle que quelquefois on le perçoit en France tout au moins. Quoi. Alors, l'idée de base du concept, c'est de dire, mais quand on regarde un milieu naturel, il n'y a jamais de perte d'énergie, de perte de matière. Il y a toujours des organismes pour les récupérer et en faire quelque chose. On ne sait pas toujours comment, bon, c'est l'étude des scientifiques, mais on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'idéal, c'est à partir de l'énergie solaire, il y a des échanges qui se passent et surtout il y a des mutualisations, des commensalités, etc. Donc l'idée de base, c'est de s'inspirer de cette nature pour nos activités humaines. Mais s'en inspirer, ça ne veut pas dire copier. Copier, on en entend souvent parler, c'est le biomimétisme. Là, il ne s'agit pas de copier, s'en inspirer. C'est-à-dire d'en faire un instrument, comme on dit souvent, un langage commun que l'on va pouvoir partager avec des tas d'acteurs différents. C'est une démarche de ce fait extrêmement transversale, systémique. On va regrouper des tas d'acteurs très différents qui vont essayer de regarder cet écosystème et de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire des ressources qui sont autour de nous. Alors ça peut aller très simplement de j'ai des déchets, j'en fais des matières premières. Il y a une usine qui produit des déchets pour en faire une matière première, mais ça peut être aussi, je regarde ici, il y a de la matière qui n'est peut-être pas utilisée, qu'on pourrait peut-être utiliser mieux, c'est le plus diffus, qui pourrait l'utiliser? Est-ce qu'on peut mutualiser aussi nos efforts? On est amené à ensemble, collectivement, à se poser ce genre de questions. Alors c'est là où ça rejoint un peu les interventions précédentes. Là, j'ai pris un exemple au sud de Lourdes. Eh bien, tous les acteurs autour de la table, ça va être donc des industriels, ça va être des agriculteurs, ça va être des collectivités. Ben finalement, plutôt que d'être dans une démarche où on se regarde en se disant ben, « ça serait chouette de faire des choses ensemble », eh bien, on va se tourner vers cette description extrêmement physique de cet écosystème, c'est-à-dire des flux de matière, des flux d'énergie. On revient aux basiques de l'économie. Hein. Là aussi, je pourrais faire une digression sur le système économique financier et le système économique réel, les échanges de biens et de services. Peu de gens le savent, mais c'est que 3,5% des échanges monétaires, c'est pour de l'échange de biens et de services. Le reste, c'est purement des échanges monétaires sur le crédit qu'on va garantir, qui va lui-même se garantir, etc. Enfin, toute cette pyramide dont on a vu la fragilité. C'est beaucoup plus fragile qu'un terril, au moins lui, il reste encore pendant des années et des années. Donc c'est cette matérialité-là qu'on va retrouver. Et à partir de là, et c'est pour ça que je reprends volontiers les termes de Jean-François Caron, on peut créer un imaginaire. Et l'imaginaire, il se crée à partir d'une réalité que l'on perçoit. Et après, il y a un travail collectif qui se fait, c'est quelle vision on a. Et si on ne le fait pas par rapport à une matérialité forte, c'est une chose qui ne sera pas durable, qui ne sera pas pérenne. Je prends un exemple, vécu justement au sud de Lourdes, c'est des territoires de moyenne montagne. Quand on est arrivé dans une démarche collective avec un paysagiste, environnementaliste, architecte, le premier discours qu'on a eu, c'était sur un territoire qui était finalement façonné par l'agriculture-élevage. Et effectivement, ça a eu un bon écho parce que les personnes qui étaient là, qui participaient donc à ces travaux, à ces ateliers, se sont aperçues qu'on n'arrivait pas avec le discours, le tourisme, les canons à neige, c'est-à-dire des projets très spécifiques où on ne sentait pas qu'il y avait le fondement ou une première strate qui existait dans ces territoires-là. Et si pour reprendre l'exemple de la Flandre, parce que la Flandre, c'est dans le territoire de la Flandre française, si je ne me trompe pas, c'était un territoire agricole avant. Et donc, quelquefois, il faut peut-être aller rechercher ce passé, parce qu'à l'échelle de l'histoire, c'est-à-dire sur plusieurs siècles, finalement, il y a des hauts et des bas sur des territoires. Ici, je pense qu'au XVIIIe siècle, ce n'était pas forcément le rêve permanent. Peut-être que ça l'est maintenant pour des tas de raisons qu'on peut creuser. Et c'était peut-être, à l'époque, territoire de Lens-Ogoël, c'était au contraire le lieu où il fallait être, où c'était très, très fun, comme on dit. Donc, en fait, il faut relativiser. Et puis, bon, on peut faire même le jeu de mots, là j'y pensais en vous écoutant, là, d'aller du terril au terreau, parce qu'en fait c'est la même origine, et le terreau c'est un peu ce que l'on cherche à faire en écologie industrielle et territoriale, c'est comment mettre en place les conditions d'émergence de projets entrepreneuriaux qui viennent et des entreprises et des collectivités. Alors c'est là où je vais peut-être être un peu enfin manière un peu provocante, c'est-à-dire que le projet de territoire il n'existe pas en lui-même, c'est-à-dire que les entreprises elles font le projet de territoire aussi. Il y a des fonctionnaires aussi qui sont entrepreneurs. Il y en a qui ne le sont pas. Il y a des entreprises qui sont entrepreneuses. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, il faut aller chercher ces entrepreneurs, ces petites graines qui vont pouvoir créer quelque chose de nouveau, un paysage nouveau et effectivement rejoindre à ce moment-là le côté imaginaire, quoi. Parce que quand on fait par exemple, les paysagistes connaissent bien ça, l'environnement structure l'imaginaire aussi, comment on le crée, comment on le façonne. Et ce qu'on pense être naturel est souvent la création humaine. Il ne faut pas non plus fantasmer trop sur qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que la vie sauvage, etc., etc. Voilà. Donc ça sert c'est un support que l'on veut apporter de décision. C'est-à-dire derrière l'écologie industrielle et territoriale, il n'y a pas de finalité en soi. C'est-à-dire que, pour être très provocant, l'écologie industrielle et territoriale ne dit pas que le nucléaire, c'est mauvais. Il ne dit pas que le bio, c'est super. Mais par contre, il va pouvoir permettre à des gens qui regardent ces schémas-là de se dire c'est pas mal, c'est bien, on peut en faire ci, on peut en faire ça, et surtout d'en mesurer les conséquences. Alors c'est beaucoup basé sur la mesure, parce que pour gérer, il faut mesurer. Mais par contre, c'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. Voilà, quand on regarde ce petit schéma, moi, je retiens qu'une seule chose, c'est qu'il y a une unité industrielle qui est là, qui travaille dans le secteur de l'aluminium. Et bien, ils rejettent 50 gigawattheures thermiques dans l'air. Voilà, donc ça va réchauffer l'air. Bon, quand on regarde ça, on se dit ça peut sûrement participer à un réseau de chaleur si on récupère, cette chaleur-là. D'où possibilité d'innovation. Parce qu'il y a des techniques qui existent, mais il faut les développer, les expérimenter pour pouvoir effectivement récupérer ces gigawattheures. Parce que quand on regarde après les quelques maisons à côté, 1500 habitants, ça fait à peu près 15 gigawattheures. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grands plans stratégiques, des grandes réflexions et des grosses études pour se dire qu'il y a quelque chose à faire. Après, comment, c'est un autre problème, mais c'est un problème qui est, disons, un peu plus classique, c'est-à-dire c'est le projet. On rentre dans l'univers du projet par rapport à une vision qu'on a commencé à se créer. Donc, toujours sur cet exemple-là, c'est pour montrer, et ça a été fait en coopération avec un des services du ministère de l'Environnement, là, qui participait à la démarche, on peut arriver à un véritable projet urbain où on a intégré aussi les aspects architecturaux et les aspects paysagers au sens le plus large du terme. Bon, ça, je pourrais revenir après selon les questions et selon l'intérêt, et votre intérêt sur ces questions-là. Je passe sur une autre expérimentation qu'on a faite. Là, c'était centré sur un industriel. Bon, je peux donner le nom puisque c'est un peu dans la région, c'est Syngenta Sarian. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter nos serres en chaleur avec une énergie renouvelable. Donc ça s'est fait extrêmement simplement. Le directeur de production a pris son téléphone, on a invité les voisins, on a fait une réunion dans une salle comme ça aurait pu être celle-ci. Et puis chacun s'est un peu exprimé sur ce qu'il faisait, comment il faisait. Nous, ce qu'on a fait, c'est simplement le mettre en image. Ce travail-là, il est très, très rarement fait. Enfin, à moins que vous ayez des témoignages contraires, je peux vous assurer que très peu de gens ont une vision de ce qui se passe autour de... Bon, ils rencontrent certaines personnes en roulant ou en... croisent peut-être un agriculteur, mais ils ont très peu de connaissances un peu fines de ce qui se passe. Bon, là aussi, je retiens un élément... c'est qu'il y a à peu près 8 gigawattheures thermiques qui est nécessaire pour ces serres-là. Et bien, à côté, il y avait un industriel, une entreprise qui récupérait tout ce qui était déchets verts, tout ce qui était arbres aussi malades. Je ne sais plus, je crois que ce sont les platanes qui ont une maladie là-bas. Bon. Donc, ils ont le droit de les brûler. 23 gigawattheures thermiques brûlées comme ça au bout du champ. Bon, ça c'est une chose. Tout de suite, là aussi, il n'y a pas besoin de faire des grandes considérations stratégiques. Il y a quelque chose à faire. Et en plus, alors là, je vais défendre un petit peu les industriels parce que leur vie n'est pas toujours facile. Si tant est qu'ils ont besoin d'être défendus, c'est que cet entrepreneur, il sait bien que ce n'est pas tout à fait normal. Il voit bien que ça pose aussi des questions de voisinage. Donc, ils sont tout à fait prêts à évoluer. Donc, il faut leur proposer un lieu, une démarche qui leur permette de s'exprimer relativement librement et de pouvoir, dans leur façon de fonctionner, pouvoir faire évoluer, faire progresser le territoire. De même que les collectivités, c'est pas simple, je pense que vous le vivez tous les jours, de faire bouger, comme on dit, un peu tout le monde. Vous êtes pris dans des réseaux d'obligations, de règlements, etc. Il faut arriver à avoir un moyen de quand même, malgré tout ça, de faire évoluer et de faire progresser le territoire. J'ai pris des exemples très, j'allais dire, franco-français. Ben, j'aurais aimé, en écoutant ça, avoir un exemple peut-être plus international, parce que nous aussi, on intervient donc, dans des pays africains, où là aussi, il y a des valeurs d'exemple. Là encore, si je prends même ce schéma-là, il est en connexion avec le monde entier. Parce que quand on parle des plantes, des semences, et notamment avec Syngenta, on est tout de suite en connexion avec le monde entier. Donc ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on n'est pas en connexion avec le monde entier et réciproquement. C'est ça aussi la démarche d'écologie industrielle et territoriale. On n'est pas seul sur la Terre. Et certaines actions qui sont faites sur un territoire montrent, sont en référence avec un possible qui est lié par des approches mondialisées. Je prends un exemple, toujours par exemple sur la grande agriculture qui existe par exemple dans le nord de la France. Les agriculteurs ont souvent une image de dire on va nourrir le monde. Pourquoi faire des friches, pourquoi faire des jachères, etc. alors qu'on a la vocation de nourrir le monde. Parce qu'on leur a mis dans la tête qu'ils avaient vocation à nourrir le monde. Et quand vous allez au Mali, par exemple, statistiques de la FAO, 10% des terres cultivables, sont cultivées. Je ne parle pas de la surface totale. Les terres cultivables sont cultivées. Donc vous vous dites, nourrir le monde, c'est bien, mais finalement, il y a de quoi se nourrir si on peut faire l'effort. Mais on est dans des processus économiques mondiaux où nos surplus que nous, on génère sur nos territoires sont vendus ou à peine vendus à bas prix dans des pays. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de nos surplus. Et donc, quand il y a des sacs entiers de riz ou de blé qui arrivent sur un port en Afrique, à moins d'être complètement masochiste, quand même travailler la terre pour à peine vendre et gagner des revenus de son travail, ben, on le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va en ville. Parce que là encore, dans les pays, dans les schémas mentaux que l'on a, et j'y reviendrai là-dessus, c'est la ville qui est le recours ultime, qui est l'avancement vers la civilisation. Et pour continuer dans les schémas de l'imaginaire qui nous imprègne, pays, je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot pays, là. En fait, ça vient de pagus, du latin pagus, qui était, enfin, des bornes qui étaient mises pour délimiter des terrains et qui a donné aussi, étymologiquement, le mot païen. C'est-à-dire que, et pourquoi ? Parce qu'à l'époque romaine, la civilisation, elle était dans les villes. Donc, c'était païen, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas, puisque la civilisation était à l'époque plutôt une civilisation chrétienne, et c'était des païens, des paysans. Bon, maintenant, toutes les choses changent aussi parce que y a les nouvelles technologies, y a les facilités de transport, etc. Maintenant, la vie en ruralité n'est pas du tout vécue de la même façon. Mais ça date d'il y a 10 ans, 10-15 ans. De même que notre relation avec les pays du Sud est différente. Donc, toute l'économie, tous les échanges qui se mettent en place et qui se mettront en place vont vivre dans une façon totalement différente. Donc, on peut vivre ici à Die et penser à tout ça et agir localement. On n'est pas dans... on n'est pas perdu dans sa petite bulle sans connexion avec le monde. Bon, là, rapidement, c'est de dire, voilà le genre d'études que l'on fait. Là, c'est sur un territoire de moyenne montagne, le bois. Autour du bois, il y a des usages différents, énergie, habitat, bon, ça, c'est un peu logique, la santé, ça peut être aussi du stockage, tout bêtement, de CO2, le tourisme, avoir un beau paysage, une belle forêt qui soit travaillée, etc., où il n'y ait pas des épicéas partout, où c'est sombre, etc. Bon, c'est agréable. Il y a l'agropastoralisme. On peut très bien, je ne sais pas si vous connaissez le BRF, boire à mal fragmenté. qui éviterait peut-être d'avoir l'utilisation d'engrais chimiques ou pas chimiques, c'est-à-dire retrouver la notion d'un sol vivant. Il y a des expériences aussi à faire dans ces grandes terres céréalières qui existent un peu à travers la France. Bon, donc je vous montre ça, c'est pour vous dire simplement où placer le curseur. Et donc l'écologie industrielle territoriale peut aider et doit aider à placer le curseur, parce qu'il est évident que si vous faites un choix d'exploiter une forêt pour l'habitat, vous aurez du mal à l'exploiter pour le tourisme, où ça sera un mode d'exploitation différent. Si vous l'utilisez pour faire de la biofiltration, ça sera une exploitation différente que celle de l'énergie, etc. Bon, ce qui veut dire que nous, dans les approches que l'on a, en tout cas chez EIC, toujours une approche un peu systémique, description d'un système de manière très matérielle, et en parallèle, et en même temps, et en interaction permanente, il y a les acteurs. Parce que tous ces flux de matière et d'énergie, ils n'existent que parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Ils n'existent pas comme ça. Ce n'est pas une découverte de dire, tiens, il y a telle matière qui s'échange. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Donc c'est très important pour nous de mettre les acteurs en première ligne là-dessus. Donc pour nous, il y a trois points clés qu'il faut quand même toujours avoir en tête. C'est qu'il y a un grand débat aujourd'hui avec centralisation contre décentralisation. Et ça, ce n'est pas anodin. Il y a des aspects politiques. Est-ce qu'on est, notamment en France, dans un univers centralisé ou décentralisé? Ça a quand même des conséquences, l'organisation de cette gouvernance. Administratif, il y a des habitudes qui sont prises, qui peuvent être envoyées à cette structuration politique. Mais il y a aussi une structuration administrative qui ne sont pas toujours en phase. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur. Quelquefois, je trouve que, enfin, à titre personnel en tant que citoyen, que heureusement qu'il y a des gens dans l'administration pour éviter que certains politiques fassent des bêtises. Et réciproquement, c'est quelquefois dommage qu'il y ait des administrations qui bloquent, qu'elles soient territoriales ou nationales, hein, ce n'est pas une question d'échelle, qui bloquent peut-être des nouvelles idées politiques qui pourraient être mises en place et qui sont beaucoup plus porteuses d'avenir. Technique. Il y a les outils techniques qui existent aujourd'hui sont structurés pour de la massification. Le plus possible sont structurés par massification aussi économique et puis j'ajouterais psychologique, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui avec les démarches d'écologie industrielle il faut s'ouvrir à 360 degrés et comme on peut dire il ne faut, enfin pour un peu mettre des mots un peu plus légers là-dessus, il ne faut rien s'interdire de rien mais effectivement ne pas tout se permettre. Mais il faut savoir pourquoi on ne se permet pas certaines choses. Donc psychologique, alors ce que je disais tout à l'heure, les nouvelles technologies là, sont fondamentalement, donc sont très importantes pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut gérer des processus décentralisés de manière centralisée. Donc c'est fini l'époque où s'il faut plutôt tout mettre à un seul endroit parce qu'on va pouvoir moyenner l'ensemble, on va pouvoir avoir des économies d'échelle. Alors il faut voir que... économiquement, cette notion d'économie d'échelle, c'est ce qu'on appelle des mots-clés, des buzzwords en anglais. On parle économie d'échelle, après, il n'y a plus rien à dire. Hein. Il n'y a plus de discussion possible. Oui, c'est pour économie d'échelle, en fait. Donc, il y a tout un nouveau langage à trouver. Bon, il y a des gens qui réfléchissent dessus et qui communiquent dessus, mais il faut aller les trouver. Enfin, bref, il faut fédérer tout un nouveau courant de pensée. Bottom-up, donc mettre les entrepreneurs du privé ou du public en position de décideur. Enfin, c'est un peu ce qu'on croit. Décideur, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, mais c'est que j'ai pris conscience de mes possibles. Mais les mettre en première ligne et de manière assez, entre guillemets, décontractée, dans le sens que, et ça c'est un vécu un peu personnel, enfin personnel dans le cadre de nos démarches, quelquefois les structurations, les bureaucraties, qu'elles soient du privé ou du public, hein, je les mets dans le même sac, ont un peu tendance à partir sur du diagnostic, donc plan d'action, réalisation, et au bout de 5 ans, ils s'aperçoivent qu'il faut tout recommencer parce qu'il y a des gens qui ont bougé entre temps. Peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui s'installent à Die. J'ai même des amis qui s'installent dans le coin. Vous ne savez même pas qu'ils s'installent. Ils ont eu un certain type d'activité. Puis un jour, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de bien qui existe sur le territoire. Alors c'est vrai que le rêve, entre guillemets, un peu totalitaire d'une administration territoriale, c'est de tout connaître, tout savoir. Mais ce n'est pas comme ça que ça joue. Et notamment pour ceux qui entreprennent, il y a toujours une phase un petit peu masquée parce qu'ils n'ont pas quelquefois envie de donner toujours leurs bonnes idées aux voisins, quoi. Donc stop à la communication, vive les indicateurs. Alors c'est pour s'inscrire dans la durabilité, c'est sûr qu'il y a un peu une tendance quelquefois à vouloir communiquer dans les 6 mois qui suivent et à donner l'impression que parce qu'on a dit qu'on allait le faire, que c'était déjà fait. Bon, là il faut effectivement se garder un peu de ça, mais ça fait partie aussi de la vie d'un territoire. Et travailler ensemble, dernier point, énergie-matière, ça c'est démarche d'écologie territoriale. On parle toujours énergie-matière en même temps. C'est-à-dire pas se... dès qu'on commence à trop vouloir segmenter, on risque de buter à un moment ou à un autre dans nos projets parce que un territoire, c'est un système et ce n'est pas simplement des silos énergie, des silos matière. Alors le pire, c'est après, il y a les silos traitement de déchets où il y a toute une organisation économique. Voilà, puis j'avais parlé de maîtriser le système, compter. Voilà, bon, et après le reste, je vous en parlerai si vous êtes intéressé sur les démarches qu'on a. Voilà. Excusez-moi d'avoir voulu résumer. Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. Territoire à énergie positive et entreprise.